a deep one for the end zone. Palin is down there. Oh, he got it! Did he get it? He got it! Touchdown! He did it! He did it! But here's a shot! Henderson made a wild stab toward Bell. Here's another shot right by the shore! Bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'inconduite de partie. Comment ça va Pierre-Luc? Ça va très bien toi? Ça va bien, ça va bien. As-tu gagné tes élections? Malheureusement pas. T'as pas gagné tes élections? J'ai pas gagné mes élections, mais je peux dire que je ne suis même pas allé voter. Oh, ok, donc okay. Je n'ai pas vraiment pu changer quelque chose. Ah, et bon. Donc pour ceux qui ont dormi très de bonne heure hier soir et qui sont levés sans regarder les nouvelles, on a encore une fois un gouvernement conservateur minoritaire. C'est pas grave, écoute, on va laisser la chance aux coureurs. Je suis pas sûr que tout le monde va aimer entendre ça. Aujourd'hui à l'émission, on aura droit à la toujours éducative chronique junior majeur de la part de Pierre-Luc. Cette semaine, il nous parle des équipes qui ont du succès et d'autres qui en ont pas mal moins dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En deuxième partie de l'émission, le coach Beaulieu, Guillaume de son prénom, va venir nous parler des activités football dans la CIS cette semaine. Tout d'abord, par contre, les actualités de la semaine. Alors, chez les Pats cette semaine, comme à chaque fin de semaine, les équipes des Patriots étaient en action, que ce soit au hockey ou au soccer. Les hommes sur la glace ont gardé leur fiche intacte en enregistrant une victoire de 5-2 contre les Ravens de Carlton vendredi soir. C'était disputé ici à Trois-Rivières. Samedi et dimanche, ils affrontaient les Aigles Bleus de Moncton lors de deux matchs hors concours, un disputé à Québec dans le cadre des fêtes du 400e et l'autre ici à Trois-Rivières. Ils l'ont échappé 5-4 samedi, mais ils se sont pris dimanche pour l'emporter 5-2. De toute façon, c'est pas grave, c'était des matchs hors concours. Au soccer, et qu'est-ce qui se passe au soccer? Les équipes des Patriots, qui depuis le début de la saison ont, soyons frères, de la misère. Ils ont de la misère à aller chercher les victoires. Une fiche parfaite, que ce soit pour les hommes ou les femmes, cette fin de semaine. Donc c'est ça, les hommes étaient en action une seule fois, par contre, à Concordia, vendredi soir. Ils ont taillé en pièces les Stingers. Ça n'a pas été facile pour les Stingers. 6-0 pour nos Pats. Philippe Saint-Laurent a deux buts alors que Ghislain Tapsoba, un but et deux passes. Pierre-Alexandre Boisvert récolte le blanchissage. Chez les femmes, alors qu'ils n'avaient qu'une seule victoire à leur fiche cette saison, ils en ont aligné pas une, mais deux cette fin de semaine. Une victoire de 2-1 vendredi soir contre les Stingers de Concordia, alors que lundi, jour de l'action de grâce, elles ont remporté 2-0 contre les Gators de Bishop. Il reste encore une mince chance aux Pats féminines de faire les séries grâce à ces deux victoires-là, mais ça sera pas facile, vraiment pas. Chez les Cataractes, ils étaient en Abitibi en fin de semaine pour affronter les Huskies de Rouyn-Noranda vendredi soir. Malheureusement, ils l'ont échappé à 18-41 de la troisième période, un but en fin de période, comme ça peut faire mal. C'est Sergei Otaschuk qui a porté la marque 3-2 pour les Huskies. Samedi soir, à Val-d'Or, de l'autre côté de la 117, les Cats se sont pris de belle façon. Ils l'ont emporté 9-4 contre les Foreurs. Alors, McNichol a connu une soirée de rêve, 2 buts, 2 passes. Et hier soir, les Cataractes reprenaient le match de mercredi dernier qui avait été annulé par la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec. À cause du mauvais état de la glace, il faut comprendre que la Zamboni a accroché le poteau du but. Donc, ça a fait un très gros trou dans la glace. On a oublié ça pour la partie. C'est ça. Donc, hier soir, ils affrontaient le match, le match modifié, si je peux dire, à l'horaire. Les Voltigeurs de Drummondville, et on pouvait s'attendre à une partie serrée. Les Voltigeurs étaient classés très haut dans la section. Mais non, c'était totalement le contraire. Les Cats ont démantibulé Drummond. Le pointage de 7-0. 3 points pour le défenseur Simon Lacroix, alors que Timo Pallmeyer récolte le jeu blanc. Et en terminant, une mauvaise nouvelle, comme vous l'avez peut-être entendu parler, le joueur Alexis Chérépanov, choix des Rangers de New York, qui est décédé cette semaine d'un arrêt cardiaque lors d'une partie de la Continental Hockey League. L'équipe de l'inconduite de partie voudrait souhaiter toutes nos sympathies à la famille de Monsieur Chérépanov. Et maintenant, on s'en va maintenant en musique avec un groupe québécois qui a autant excellé que ce soit en français ou en anglais. Voici tiré de leur album Live, la chanson La Vache de Grimmskunk. Mon cousin il vient de France, cette chanson je lui dédie. Ça s'appelle Ah putain, l'enculé, la vache. 1, 2, 3, 4. Fusiller notre mère. Et l'amour qu'on doit t'empêcher, savais-tu qu'on voulait l'empêcher? T'empêcher. Un courage de déception, un désespoir, une illusion. Le courage de l'exception. h 17, Giroux, Ducharme, l'inconduite de partie, et c'était Grimmskunk avec la vache. En parlant de M. Giroux, Pierre-Luc, de son prénom, que s'est-il passé dans le monde du hockey junior cette semaine? Oui, Nick, donc cette semaine, je vais faire un tour de quelques formations de la LHJMQ, car on en est déjà rendu à minimum 10 matchs de jouer par formation, et on commence déjà à voir quelles sont les formations qui se démarquent le plus, c'est qui les formations qui se démarquent le moins, parce qu'il y en a qu'on voit déjà qui sont en train de se détacher du peloton. Donc, et ensuite, on va regarder aussi si nos équipes ont bien été cette semaine, et vérifier si j'avais dit vrai dans mes prédictions de la semaine dernière. Donc, tout d'abord, toujours au premier rang, les Screaming Eagles du Cap-Breton, qui en surprennent plusieurs cette saison avec une fiche de 10 victoires, 2 défaites. Ils sont d'ailleurs au deuxième rang du classement de la Ligue canadienne. Aucun grand connaisseur n'aurait pensé qu'après 12 matchs, ce serait le Cap-Breton qui serait au premier rang. Et ses grands succès sont liés aux très bonnes performances du gardien Olivier Roy, qui n'a toujours pas subi la défaite en 8 matchs. Ce jeune joueur de 17 ans a d'ailleurs été nommé le gardien de but ADT de la semaine dans la Ligue canadienne de hockey. Il sera probablement un des meilleurs espoirs pour le prochain repêchage de la LNH. L'équipe de l'heure en ce moment dans la LGMQ sont les Remparts de Québec, qui en sont à 9 victoires de suite. Les hommes de Patrick Roy avaient perdu à leur deuxième match de la saison, mais depuis, tout baigne dans l'huile pour l'équipe de la vieille capitale. L'arrivée de Benjamin Bro et de Jean-Simon Allard, ils sont pour quelque chose. Eux qui totalisent un total de 25 points à leurs deux en 10 matchs. En parlant des Remparts, Jonathan Roy hier soir, mon lundi soir, fait des siennes, ce qu'on me dit. Hier soir? Yes, encore une fois, un coup de poing. Non, il a pas donné de coup de poing. Il était dans le milieu de la glace. Il a essayé de défendre son joueur Benjamin Bro. Probablement qu'il va avoir encore une fois suspension à la suite de ce geste. Mais écoute, au moins, il s'est pas emporté. Ça marche, la nouvelle réglementation? Ça marche parce qu'il y en a beaucoup, des suspensions depuis le début de la saison. Je te dirais au moins 2-3 par semaine. OK, ouais. C'est quelque chose. C'est rough, mais ça marche. Donc, cette semaine, les Remparts ont vaincu tout d'abord les Saguenayens de Chicoutimi dans le deuxième duel opposant les deux grands rivaux en moins d'une semaine. Les Sags gagnaient 4-2 en troisième, mais les Remparts ont surmonté leur déficit en égalisant la marque alors qu'il ne restait qu'une minute à la partie. C'est finalement Dmitri Kougrichev qui a déjoué le gardien de but des Sags, François Lévesque, en fusillade pour se sauver avec la victoire. Richard Martel a déclaré qu'il croyait en ses chances de vaincre les Remparts. Mais ça sera pour une autre fois, mon petit Richard. Donc les Remparts ont par la suite défait facilement le Drakkar de Bécomo par la marque de 4-1. Bécomo n'a jamais été dans le coup alors que les Remparts menaient 3-0 avant que le Drakkar enfile leur premier but. C'est d'ailleurs un ancien de leur équipe, Benjamin Bro, qui a été l'étoile du match avec un but et deux aides. Ça a été une très belle façon pour lui de souligner son retour au centre Henri Léonard. La question qu'on se pose maintenant, c'est qui va être capable de battre ces puissants Remparts? En tout cas, ce n'est pas les Huskies qui vont être capables de le faire, eux qui ont perdu une grosse défaite hier, 7-0, donc une autre victoire des Remparts, 7-1, pardon. Donc, c'est ça. Dans la victoire, Marc-Olivier Valran a été l'étoile du match avec 2 buts et 1 aide. Les Remparts, avec ça, poursuivent un record vieux de 32 ans avec 6 victoires de suite à l'étranger en débutant la saison. Le record appartient aux Royals de Cornwall en 1976-77, eux qui avaient remporté 8 victoires de suite à l'étranger en commençant la saison. Donc, go Remparts, go, vous allez le battre le record. Les Remparts sont tout le temps là pour laisser leur marque ou ce qu'ils sont capables de le faire. Oh, donc, le parti pris. On va vérifier, là, ça serait quand qu'ils vont battre le record. Donc, premièrement, on est à Val-d'Or ce soir, donc ça serait une 7e victoire. À Rimouski, le 25 octobre, une 8e. Et on battrait le record le 31 octobre, l'Halloween. Donc, les Remparts seraient à nouveau dans les marques de l'histoire de la LHJMQ. Moi, si tu veux ma prédiction, ça se fera pas. Ça ne se fera pas. Ah, ben, regarde, moi, je pense que Val-d'Or, Rimouski, Rouyn-Noranda, c'est 3 clubs que les Remparts sont très bien capables de faire. Même temps, les Huskies ont battu Shawinigan cette semaine, donc, tu sais, c'est quand même. Les Remparts, ils ont battu 7-1 hier. Ouais, ok, t'as gagné, t'as raison. J'ai gagné, d'accord. C'est pas grave, je continue à espérer. Donc, c'est ça, puis une chose est sûre, c'est que les Remparts, on ne s'ennuie pas du tout du départ d'Angelo Esposito. Lui qui avait été changé pendant la saison estivale au Junior de Montréal. Donc, je pense qu'on a des joueurs qui le remplacent très bien dans l'équipe. Puis, on s'ennuie pas partout. Ben, avec ce qu'ils ont eu du Junior, dans le fond, là, Jean-Simon Allard, c'est pas un petit joueur, là, Jean-Simon Allard. Là. Oui, Angelo Esposito joue très bien à Montréal, mais Allard fait quand même le travail fait à Québec. Fait quand même le travail. Puis, Angelo Esposito, on s'entend-tu que c'est pas un joueur qui va brasser beaucoup la cage des autres. Fait qu'il est un petit peu moumoune. Ben, c'est peut-être pour ça qu'on le voulait plus à Québec. Non, mais c'est un joueur de finesse, mais qui manque peut-être un peu de caractère. Puis c'est pour ça, d'après moi, qu'il fera pas la Ligue nationale. Qu'il va tomber avant, qu'il va aller. Parce que ce qui arrive avec Esposito, c'est que lui, au début, il visait une carrière en médecine. Le hockey, ça peut-être un petit peu secondaire pour lui. On l'a vu quand c'était le temps de se donner à 100%, quand c'était le temps de se classer pour l'équipe junior mondiale du Canada. Le travail, il était pas. Il se faisait couper à toutes les fois. Ça fait 2 ans, 3 ans. L'équipe canadienne, je pense que ça fait 3 ans. 3 ans qu'il se fait couper de l'équipe canadienne. Ouais. Quand c'est à travailler, il est pas nécessairement là. Donc, ce n'est pas un homme des grandes occasions, comme on dit. Ça manque de robustesse, un peu. Ça manque d'effort. D'effort et de robustesse. D'intensité. Donc, on va maintenant passer du meilleur au pire, en parlant des pauvres foreurs de Val d'Or, parce que ça va pas bien pour eux jusqu'à maintenant. Ils n'ont toujours pas été capables d'aller chercher une victoire depuis le début de la saison, eux qui totalisent une fiche de 10 défaites en temps réglementaire et une en prolongation. Donc, un point en 11 matchs pour les hommes d'Éric Lavigne. Va falloir qu'il se passe de quoi, parce que je crois pas qu'Éric Lavigne va conserver son poste avec une fiche comme celle-là. Il a beau être en reconstruction, avoir un club des jeunes en reconstruction, mais là, quand t'es pas capable d'aller chercher un match, ça va pas bien. Parce qu'il y en a d'autres des équipes dans la ligue là, qui sont comme toi, qui sont en reconstruction, mais t'es pas capable d'aller chercher de victoire. Donc, les Foreurs, en plus de ça, sont allés chercher du renfort la semaine dernière avec François Gauthier, acquis des Sea Dogs de Saint-Jean. Mais le résultat a été le même avec des défaites face aux Olympiques, aux Cataractes et à leurs grands rivaux, les Huskies. Je ne crois pas d'ailleurs que cette année qu'il y ait une grande rivalité entre ces deux équipes, alors que les Huskies ont beaucoup un meilleur club que les Foreurs. Donc, ça sera une saison longue et pénible pour les joueurs des Foreurs. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Éric Lavigne va conserver son poste malgré les déboires de son équipe? Ben, tu sais, quand tu te mets pas mettre une bonne équipe dans les mains, là, c'est pas facile. Non, c'est sûr. C'est sûr. Faut que tu implantes un bon système de jeu, puis c'est pas toujours facile quand t'as des jeunes puis que t'affrontes des grosses puissances comme les Remparts, des trucs comme ça. Ah, écoute, c'est une équipe en reconstruction. OK. Donc, ensuite de ça, on va parler maintenant de nos équipes du centre du Québec. Tout d'abord, les Cataractes. La semaine dernière, j'avais prédit une fiche parfaite en disant que les Cats allaient emporter les 3 matchs de la semaine. Les Cats ne sont pas parfaits, malheureusement. Eux qui ont subi la défaite dans leur premier match face aux Huskies par la marque de 3-2. Mais ce fut quand même très serré alors que les Huskies se sont sauvés avec la victoire, alors qu'il ne restait moins que 2 minutes au match avec un but de Sergei Obstachuk. Les Cats sont donc retournés bredouilles de ce match, même s'ils ont été dans le coup durant toute la partie. Mais ils sont quand même arrivés en feu pour affronter les Foreurs le lendemain, alors qu'ils leur ont infligé une cuisante défaite de 9-4. Le match avait pourtant mal commencé, alors que les Foreurs avaient pris les devants dans un but en avantage numérique de la recrue Alex Noël. Les Cats ont répliqué avec des buts de Logo et de Pistilli. Les Foreurs ont quand même resté dans le match, eux qui menaient 4-3 avec plus que la moitié de la partie à jouer. Mais les joueurs des Cats ont explosé avec une poussée de 6 buts pour envoyer le gardien des Foreurs, Raphaël Dorsault, aux douches. La marque finale est donc 9-4 dans ce match. Tour du chapeau de Mathieu Pistilli et aussi Cédric Lalonde-McNichol qui obtient 4 points avec 2 buts et 2 passes. Ensuite de ça, hier soir, un match contre les Voltigeurs de Drummondville. On s'attendait à un très bon match entre les deux équipes. Malheureusement, on s'attendait. On n'a pas eu le spectacle désiré. Donc, victoire des Cataractes, 7-0. Encore une fois, Pistilli et Lalonde-McNichol qui ont été les étoiles du match avec 3 points chacun. J'ai regardé la fin de la partie hier, puis on en parle encore des batailles, puis je veux en parler encore, mais à 7-0, les Cataractes ont mis sur la glace Ashton-Bernard. Zéro. Aucune agressivité de la part de Drummond. Aucune envie de brasser la cage un peu, que ce soit à 7-0, à 5-0. Il n'y a pas moyen de revirer une game, c'est plate. C'est... Non, c'est ça. Yeah. En tout cas. Ben, comme écoute... le joueur des Saguenayens qui a pris justement sa retraite à cause de ça, il avait essayé contre les Voltigeurs à plusieurs reprises, puis ça n'avait jamais marché. Il n'y a aucun joueur des Voltigeurs qui peut entrer dans le Puis regarde à Gatineau, Travis Stacey, qui est un choix de première ronde, Travis Stacey, mais en tant que tel, on s'entend que c'est un gars capable de jouer au hockey, mais. Qui est meilleur au bout de ses points qu'au bout de son bâton. Donc, qui s'est fait couper, qui est rendu dans le Junior 3A. Malheureusement, quand je dis un Georges Larac, quelqu'un qui va apprendre à jouer au hockey, qui va se développer puis qui va faire la Ligue nationale grâce à ça, ben ça, c'en est un qui, malheureusement, va peut-être pas son poste à cause de la réglementation. Non, c'est ça. Je pense que des joueurs de robustesse dans la SGMQ, on n'en verra plus beaucoup avec cette nouvelle réglementation-là. Puis c'est un peu dommage. C'est très dommage. Donc, maintenant, les Cats sont de retour à la maison en fin de semaine, alors qu'ils recevront les hôtes de la Coupe Memorial cette saison, l'Océanique de Rimouski. Ça va se passer vendredi, ça, alors On peut s'attendre à un autre très bon match là, au centre Jacques Plante. Au centre Jacques Plante, à l'aréna Jacques Plante. À l'aréna Jacques Plante, désolé. Donc, ensuite de ça, ça va se passer vendredi, ça, alors. Donc, puis ensuite, samedi, ils recevront la visite des pauvres Foreurs, qui, j'espère, va jouer un match de 60 minutes cette fois-ci. Parce que, comme le dernier match, on a pu le voir, ils ont joué la moitié du match. Ensuite de tout ça, 6 buts de la part des Cataractes. Donc, on va espérer que les Foreurs en sortent une bonne pour une fois, là. Ma prédiction pour les deux matchs des Cataractes. Donc, vu qu'ils n'ont pas été capables de respecter ma prédiction de la semaine dernière, les Cataractes, je leur donne une victoire en deux matchs. Pourquoi? Donc, je pense que l'Océanique vont arriver fort vendredi. Surtout, c'est une équipe qui connaît beaucoup de succès dans les dernières semaines. Passons maintenant aux Voltigeurs, à qui j'avais prédit deux victoires en trois matchs la semaine dernière. Les Voltigeurs en ont gagné seulement qu'une sur trois. Les Voltigeurs commençaient leur semaine dans une série aller-retour face aux Maniacs, alors que les deux équipes se sont partagées la victoire. Tout d'abord, les Winston ont remporté le premier duel en fusillade, alors que Lucas Lebel a été le seul à compter dans la période de fusillade, déjouant ainsi Antoine Tardif. Les Voltigeurs sont toutefois sortis très forts dans le deuxième duel en inscrivant trois buts tôt en première période. Les Maniacs sont revenus de l'arrière, eux qui avaient réduit l'écart à un but après deux périodes. Mais Marc-Antoine Desnoyers les a mis dans les cordes avec son deuxième but du match pour donner la victoire aux Voltigeurs par la marque de 5-3. Les Voltigeurs ont toutefois offert une mauvaise performance hier dans une cuisante défaite de 7-0. Les Cataractes, avec cette victoire, rejoignent ainsi les Voltigeurs au premier rang de la section centre. C'est une très bonne lutte, très belle lutte. Yes. Ensuite de ça, les Voltigeurs donc seront au centre Marcel Dionne pour deux matchs en fin de semaine. Tout d'abord, ils recevront les Foreurs vendredi et les Moussettes dimanche. Ma prédiction, quand même deux petits clubs. Victoria Drummondville ont quand même perdu deux matchs sur trois. Donc, je pense que les Voltigeurs vont sortir fort. Donc, deux victoires en deux matchs pour nos Voltigeurs. Ils ont perdu deux matchs contre Victoriaville? Non. Ils ont perdu deux matchs dans les... C'est bon. Désolé. Ils en ont perdu un face à Lewiston. Parce que je m'en allais dire, ça joue dur dans la rivalité du centre du Québec. Non. Sinon, pas tant que ça pour l'instant. Victoriaville est un petit peu plus basse gamme à côté de Drummondville. Shawinigan. Puis plus que la saison va aller, je pense que Shawinigan va vraiment départir du peloton. Ensuite de ça, on parle de nos Tigres. Les pauvres Tigres, ça va bien quand même pour les Tigres. Ils surprennent, mais quand même, on s'attend pas non plus à des gros succès de cette équipe-là cette année. Donc, eux, ils ont surpris dans leur voyage dans les Maritimes, remportant deux matchs sur une possibilité de trois la semaine dernière. Tout d'abord, défaite de 4-2 face aux Mooseheads, puis ensuite, victoire en prolongation face aux Wildcats par la marque de 4-3. C'est Philippe Michael Davos qui a procuré la victoire aux siens, lui qui a marqué deux buts dans ce match. Les Tigres ont par la suite battu le Titan d'Acadie Batters par la marque de 2-1, toujours en prolongation. Donc, ce ne sont pas des victoires convaincantes, mais les résultats sont là. Deux victoires en quatre matchs dans leur voyage dans les Maritimes pour les Tigres. Deux points au classement, c'est deux points au classement. C'est quatre points au classement. Non, mais par partie. Ça. C'est quand même pas des victoires convaincantes, mais je pense qu'on peut quand même être content du succès qu'ils ont eu dans les Maritimes, parce que c'est pas toujours facile d'aller jouer dans les Maritimes au Nouveau-Brunswick, des trucs comme ça. C'est tous des matchs à l'étranger, sur la route. Des fois, c'est pas toujours facile. Donc, les Tigres sont à Victoriaville, eux aussi, en fin de semaine, alors qu'ils affronteront deux fois les Screaming Eagles du Cap-Breton, vendredi et dimanche. Ma prédiction, une victoire en deux matchs pour les Tigres. Je pense que jouer contre les Screaming Eagles le vendredi et le dimanche, toujours à Victoriaville, c'est un calendrier qui est plate. Ah, c'est plate. Comment tu veux attirer du monde dans tes arénas quand t'affrontes une équipe des Maritimes deux fois dans la fin de semaine? Est-ce que le monde qui a des billets de saison va aller voir ces deux matchs-là pour de vrai? Ben, ceux qui ont des billets de saison, oui, mais ceux qui ont pas de billets de saison, justement, vont aller voir un, pas deux, puis peut-être qu'ils iront tout simplement pas, mais... Ou ben, ils vont aller faire la grande route pour aller voir les grosses équipes comme les Cataractes. Non, c'est ça, ça dépend quelle est ton allégeance. C'est ça, donc ma prédiction, comme je dis, une victoire en deux matchs pour les Tigres. On va surveiller ça la semaine prochaine si mes prédictions étaient bonnes. En terminant, les joueurs de la semaine sont du côté offensif Jordan Caron de l'Océanique de Rimouski et du côté défensif Alex Grant des Sea Dogs de Saint-Jean. Je te remercie, Nicolas. À toi, l'appareil. C'est écoute. Merci beaucoup, Pierre-Luc. On passe maintenant à une pause et au retour, Coach Boyeux est avec nous pour nous parler des activités du sport interuniversitaire canadien. Attention, attention. Tous les véhicules immatriculés au Québec devront être munis de pneus d'hiver entre le 15 novembre et le 15 avril. Donc, n'attendez pas pour vous rendre à votre magasin Canadian Tire. Allez voir les spéciaux en magasin sur les différentes promotions sur les pneus d'hiver ainsi que sur toute la marchandise hivernale. Commencez l'hiver du bon pied avec votre magasin Canadian Tire. Vous êtes étudiant de l'UQTR? Venez visiter la bibliothèque de l'université. Elle regorge de documents scientifiques qui vous aideront dans vos travaux. De plus, un personnel compétent y est disponible pour répondre à tous vos besoins. Consultez notre catalogue, nos bases de données et la plupart de nos périodiques ou encore renouvelez vos emprunts, le tout directement de chez vous. Venez visiter notre site web au www.uqtr.ca/biblio. La bibliothèque de l'université, il n'y a plus de raison de s'en passer. À lire dans cette édition de votre journal Zone Campus. Actualité. Le cours UQTR 101. Les étudiants questionnent le doyen des études du premier cycle. Art et spectacle. Lancement de la nouvelle programmation de CIFU 89.1 à la Chasse-Galerie. Sport. Patriot Hockey. Les hommes de Jacques Laporte sont prêts pour le début de la nouvelle saison 2008-2009. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Hey Mike! Viens-tu dîner avec moi ce midi? Ben oui, où est-ce qu'on va? Je le sais pas. Veux-tu aller chez Mia Pasta? Ah, je connais pas. C'est un nouveau concept de bar à pâtes. Il y en a un dans le Quiznos, juste à côté. Parfait, je t'invite. Pourquoi tu ris? C'est juste qu'en ce moment, il y a un 2-pour-1 au Mia Pasta et au Quiznos. Ah, ben raison de plus pour t'inviter. Mia Pasta et Quiznos, 3544 Boulevard des Forges, l'après-cour par excellence. Depuis 10 ans, c'est fou dans vos oreilles. 89.1. Hey, hey Big Man! Good. Check, man, ça c'est boys, man! Radio, ah, radio! Boys. Yeah, man, c'est boys, là, that puis c'est des Acadiens, man, c'est big, gros, man, les DJ, des gros beats, man, ils font des tunes, man, j'aime radio, les fans, des bouts de la gueule, man, radio, c'est complètement débile, man, ça capotait, man, j'ai vu ça, man, la salle, c'était malade, man, malade, big! On représente ce qu'on représente, mais qu'est-ce qu'on représente sur les fucks radio? On représente ce qu'on représente, mais qu'est-ce qu'on représente sur les fucks radio? Yo, whoop, whoop, minute, j'arrête ton horloge, quoi de prix d'être dedans, tu sais d'être fuck la gauche. Je me représente moi-même depuis mes jours d'école, c'est ça, dis-moi, spin, pis même l'idée pas folle. Pas besoin de la vieille reine, j'suis mon propre parole, gosse, tu crois qu'il connaît pas le roi des bois, le maître des maîtresses. Tapez sur tes fesses, on va chez moi, y'a pas d'express. Coupe de rappel, petit déjeuner, café au lait. Souhaite une bonne journée, j'espère que la tienne est parfaite. Tu me souhaites une bonne journée, j'espère que la tienne est parfaite. Puis là, je représente les impolis qui marchent dans la rue. Puis je décris sans eux, y'aura pas de bruit dans le marché. Se parler, bouche à oreille sur la nouvelle. Un autre fou, je tape sur les nerfs des vieilles femmes pas trop inquiètes. J'attends les conséquences du bébé boom, on s'en parlera. Quelques reprises, j'm'en doute pas. À ce moment, on pense pas pareil des politiques. Musique, on a peu de cours qui sort moi. On représente ce qu'on représente, mais qu'est-ce qu'on représente sur les fonds de radio? On représente ce qu'on représente, mais qu'est-ce qu'on représente sur les fonds de radio? On représente, on représente, on représente, on représente fonds de radio. Il m'appelle avant la cloud, je représente vous autres, le fils d'un pote. Je mène un annonce qui est pas de la mienne, mal entendu à Radio Canada quelques semaines. Pourtant, j'avais dit de pas n'en parler. Y'a peut-être oublié ce qui commence à fumer. Il a les problèmes internes, y'en a partout. Ça vaut-il la peine changer le nom pour une fin de semaine? Selon moi, l'apôtre, la cause avait raison. Créer quelque chose de plus gros que ta maison. Fais le tour du monde, qu'est-ce qu'il dit, 4 saisons. On est-tu là? On est-tu là? Pas encore, on va y arriver. Belle vision, nouveau groupe, on va jouer de la tirée. Night vision, votre chance, la nouvelle cible est visée. Collaboration, là, tous les rêves sont réalisés. Des vacances, travail, payé pour voyager. Une ville en Espagne, Madrid, comment ça va? Un drapeau d'Acadie sur mon dos. J'oublie les envois d'eau, work ma tête comme l'écosystème. Mauvaise haleine. Mauvaise haleine, ça fait la peine, votre chaîne. Mais toujours un peu de mal avec notre écosystème. Brille la connexion, tu crées des problèmes. Les gens sont capables d'embrasser, même si qui dit pas. mon paille avec ma taille, je reste là. J'ai pas mon choix, j'ai gâté mon trou, je reste là. Diamond in the rock, trois smoke, plan, oh, ça fait du bien, ah, parler dans ma langue, tout facile. Je représente ma culture, voir ma teinture. Mes habitudes m'envahissent, écrire, faire une thèse. Je garde mes habitudes, solitude, ça sert à rien. Y'a quelqu'un d'être au coin que ça vaut. Embarque dans mon bateau pour la trip, c'est pas fait. Un beat bar pour le porn star. C'est pas un mythe, car on parle comme go part. Hit my button, bon exemple. Embarque dans ma box, c'est un autre, yo la pote. Yo, bourre, pimp, ma pote, ma vie commence à sailer. Diva loin, moi, mom d'une France vient d'arriver. Faire une show comme des chameaux, la radio va sauter. Timo, Rex, Tech, Jacobus, et tout. Des cambouillards, taquettes en France représentent la bande de fous. Les 506 que je représente. Je retourne toujours chez nous, mon woman. Block it up, woman. Block it up, woman. Talk it up, ah, smooth à la radio, la next tourne. Écrit chez Hot, le top 10, le Morse code. Qu'est-ce qui rock le spot? C'est la radio qui décide. Qu'est-ce qui coupe et qu'est-ce qui track? When the nuit qui décide. Qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui frotte? La radio représente, what the fuck? La radio représente, what the fuck? What the fuck they heard? Et vous êtes sur les ondes de C'est fou 89.1 et vous avez la chance, non, le privilège, ok, jamais, d'écouter les conduites de partie. Plus sérieusement, nous recevons maintenant en studio le coach Beaulieu, notre expert de football. Bénic, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, Guillaume, je te parle pas tout de suite, je veux parler des Patriotes. Ah, ok, un petit peu, je veux toucher aux Patriotes. Parfait, ça. C'est aux Patriotes ce qui s'est passé en fin de semaine. Trois victoires en trois matchs en saison régulière. Leur seule défaite depuis le début de la saison. Ils se sont arrangés pour le perdre en match hors concours, comme j'ai dit au début de l'émission, contre les Aigles Bleus samedi à Québec. Puis ils se sont repris le lendemain ici à Trois-Rivières contre les Aigles Bleus. Donc, dans le seul match qui comptait réellement au classement, Carlton, qui était en ville vendredi soir pour affronter les Pats. Puis grâce, entre autres, au jeu offensif de Jonathan Boutin, tu sais, qui avait mangé ses épinards avant la game, les Pats l'ont emporté 5-2. Boutin, comme je disais, une performance d'un but, trois passes, alors qu'Alexandre Demers, Mathieu Gravel, J.S. Breton ont produit 2 points chacun. Écoute, ça regarde très, très, très bien pour le début de saison des Pats. Ça regarde très bien pour être très compétitif. Je sais que j'utilise le mot très, très souvent, mais c'est très important de dire très dans le cas des Patriotes. Donc préparez-vous, on va avoir une grosse saison. Maintenant, coach! En passant, j'ai remarqué, là, les SGMQ ont sorti un rapport. Donc, les joueurs, ils disaient qu'il y avait 106 joueurs de la LHGMQ qui font maintenant partie du hockey universitaire. Et j'ai, dans le fond, les Patriotes de l'Université de Trois-Rivières, c'est l'équipe qui en ont le plus. Ben, avec 18 anciens joueurs de la LHGMQ. Sérieusement, Nick, le hockey de l'universitaire, c'est l'avenir, là. T'sais, tu peux pas avoir... Écoute, tu regardes ce qui se fait au NCAA et tout ça, là, il faudrait sérieusement que le réseau québécois ou le réseau canadien commence à modeler un système qui est un peu plus uniforme à ce qui est NCAA. Commence à modeler, mais c'est un système qui, malheureusement, à cause du cégep, parce qu'on s'entend, à cause de l'étape du cégep au Québec, est très difficile à modeler. Parce qu'on a 2 ans, tandis qu'aux États-Unis, t'as 4 ans d'université, t'arrives à l'université, t'as 18 ans, bon, c'est correct, tu rentres, peut-être que tu te fais repêcher après ta première année, peut-être même pas si t'as ça, mais tu sais, au moins t'as 4 ans, t'es là pour une partie, tandis qu'ici, avec l'étape cégep, que t'es au cégep de 17 ans à 19 ans normalement, jusqu'à 23 ans si on abuse un peu trop, pas que je parle de toi, coach. Non, mais, toi non plus. Hein? Non, moi non plus. Donc, c'est ça, cette partie-là est manquante, puis je pense pas que les cégeps du Québec ont ce qu'il faut, ont la structure qu'il faut pour... avoir une ligue de hockey, tout simplement. C'est trop compliqué en tant que tel. Oui, ça en fait un peu de hockey au cégep, mais il n'y a rien d'intéressant. Il s'en est déjà fait, mais il s'en fait plus. C'était dans les années 80, là. Cégep de Saint-Hyacinthe, les Lauréats, qui était une des meilleures équipes. Mais bon, mais bon. Alors, coach, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine football? Au menu cette semaine, 3 parties retenaient notre attention. Premièrement, je me suis rendu à... Bishops, donc j'allais voir les Gators. Les Gators, nos amis mauves contre le Rouge et Or. Après ça, j'ai visionné un petit peu la partie de Concordia contre Mount Allison. Et puis j'ai aussi les petites nouvelles Sherbrooke qui continue sa belle lancée contre Agadir. On va commencer par parler de la partie du Rouge et Or en premier. Comme je disais, je me suis rendu dimanche après-midi aller voir. Non, c'est que samedi après-midi, je me suis rendu aller voir Bishop's University contre Laval. L'ambiance était quand même intéressante, sérieusement, mais à l'œil, la moitié du stade était occupée par une masse de monde rouge. C'en était épeurant. Hein? Le monde du Rouge et Or, là, ça suit leur équipe, c'est l'enfer. Ça se déplace. Ça se déplace, c'est ça. Écoute, là, il y a tout le temps des voyages d'organiser. Moi, j'en ai déjà fait des voyages avec eux. Puis je pense que c'est exceptionnel de voir l'ambiance que les Rouge et Or peuvent amener dans les différents stades de la ligue. Ils sont là, tu sais. Ils sont plus là que ceux qui sont à Bishop's. Puis tu sais, tu regardes ça sérieusement, là, si le Rouge et Or avait pas été là pour tailgater au début... Il n'y aurait peut-être pas eu de tailgate. Non, c'est ça. Là, je pense qu'ils ont aménagé une zone tailgate exclusivement pour le monde du Rouge et Or. Ouais, mais ce qui arrive avec un tailgate, c'est que ça te prend un booster club. Ça te prend une équipe de gens qui vont organiser de quoi, qui vont avoir les hamburgers, qui vont avoir les barbecues. Ah non, c'est ça, il n'y avait pas rien. Là. Tu regardes, là, le monde sont arrivés... T'sais, Laval sont arrivés avec le barbecue. Tu vois qu'ils sont organisés. Là. Mmh. Ils sont arrivés avec le barbecue, le glacière, leur bière. T'sais, c'est imposant, là. C'est une tradition à l'Université Laval, le tailgate. Là, le matin, le monde sont là, des fois, à 7h le matin. Il y en a qui, le monde sont là, des fois. Faut l'avoir fait, là. On s'était installé dans sa Hyundai Accent. Ah, c'était incroyable. On avait nos chaises de parterre. On avait une plug pour avoir de l'électricité par le lighter. On avait plugué télévision, PlayStation, barbecue. On avait quelques petites boissons légèrement alcoolisées. Des ailes de poulet, des beignes, écoute, tout ce qu'il faut, nos cases de construction, tout ce qu'il faut pour avoir un bon moment. On arrive au terrain, il était 9h. Ah, à peu près, on était parti à 6h. 6h, c'est à 7, une pause pipi à Drummondville. À peu près. C'est ça, donc, on arrive au terrain à 9h, la partie est à 1h, ça nous donne le temps de s'amuser. Puis écoute, on n'était pas des gens du coin, là. J'imagine juste les gens qui vont là toutes les semaines, le party qu'ils doivent avoir là. Je vais nommer la meilleure gang que je connais, c'est Booster Club de l'Université de Sherbrooke, dirigé, si je me souviens bien, par M. Simon Arsenault, qui, chandail pour les membres, un prix ridicule, là, je me souviens plus des prix, mais c'est un prix ridicule, chandail pour les membres, billets de saison pour l'équipe, donc, écoute, c'est 4 matchs, mais les billets sont pas gratuits, sont loin d'être gratuits à Sherbrooke. Je m'excuse, là, mais tu sais, tu check, c'est plate à Bishop, parce que, tu vois, ma copine, elle va là, puis ça lui a coûté juste 2$ pour pouvoir rentrer au Counterfield, là, ce qui est ridicule pour aller voir une game de foot, là, quand même, là. Tu sais, moi, c'est 10$ que ça m'a coûté pour pouvoir l'achat du billet, mais tu sais, là encore, 10$ pour une game de foot de qualité, à universitaire, regarde, là, ça, c'est ridicule, là, tu sais. Pour aller voir le Rouge et Or, 10$, c'est pas cher. Ah non, ça y est. Mais bon, on va revenir un peu à partie. Écoute, très tôt, le Rouge et Or marque un placement, ça a vraiment donné le ton au match, là. Après ça, on peut dire une domination totale du Rouge et Or. 24-10 après la mi-temps. Encore une chance que Bishop ont profité d'une mauvaise passe du Rouge et Or, là. Ils ont réussi à monter le terrain à coup de pénalité. Pu s'inscrire pour un majeur là, à 2-3 minutes de la fin de la demi, mais sinon, ça aurait été facilement 24-0. Là. C'était même pas beau. Coach Beaulieu, pourrais-tu répondre à ma question? Ça va être qui, l'équipe cette année, qui va être capable de sortir le Rouge et Or de leur conférence? Aucune. La conférence, je serais prêt à dire comme Nick, aucune. Par exemple, dans le reste du Canada, écoute, ils n'ont pas passé les grosses équipes. Là. T'as Saskatchewan qui sont gros, t'as Queens qui sont gros. St. Mary's? St. Mary's a perdu en fin de semaine contre Montréal. Ce qui arrive avec St. Mary's, c'est qu'il évolue dans les Maritimes où est-ce que la conférence, soyons francs, est d'un calibre moindre. Donc, St. Mary's, chaque année, parce que c'est le gros programme des Maritimes, se sort des grosses fiches, mais quand on a assez de temps, je me rappelle Quand c'est temps de valser, écoute, ça valse avec une jambe en moins, un petit peu, je dirais. Puis, ce qu'on m'a dit sur St. Mary's, parce que j'ai écouté la partie sur les ondes radiophoniques, c'est que St. Mary's manque de vitesse. Manque affreusement de vitesse. Ça, c'est vrai. Montréal les ont battus, mais écoute, pas par un peu, là. Ils ont fait 10 échappés, 10 revirements, là. C'est un, ça peut être un record. On va en reparler tantôt. C'est bon. Je vais pouvoir te laisser l'analyser un peu plus, parce que j'étais quand même occupé, j'ai pas eu le temps de te voir en fin de semaine. Donc c'est ça, par la suite, la deuxième demi, écoute, trop facile, là, pour Laval, à la fin, il y a un petit regain d'énergie de Bishop, là, mais c'était vraiment trop peu, trop tard. Ça s'est terminé par un compte de 41-10. Gros a complété 25 de ses 32 tentatives de passe pour des gains de 327 verges, alors que la carrière de Bishop Jesse Andrews a complété 19 en 28 pour des gains de 219 verges. Ouais. C'est quand même une bonne fiche, là. 19 en 28, c'est quand même respectable, tu sais. Puis, Contre gros, de Roger là. Gros, comme d'habitude, écoute, 25 en 32, mon gars, c'est incroyable, là. Tu réussis à gonner le 32 fois le ballon dans une game, là. C'est facilement un jeu sur deux, là, tu sais, que tu lèves, là. Si c'est pas deux sur deux, là, tu sais. Mais, je pense que, parce qu'il est arrivé contre qui c'était? Concordia, je crois, que Roger a gagné, mais Glenn Constantin était pas content de sa ligne offensive, vraiment pas content. Non, c'est ça. Cette semaine, sérieusement, le coach avait l'air content, tout ça. Là, je connais du monde un peu aux alentours de l'équipe, là, puis l'ambiance était bonne, les gars étaient contents, là, mais ouais, justement, je pense que c'est la semaine dernière, là, deux semaines, ouais. Là, Trudeau mangeait son chapeau, mon gars, là, c'était même pas drôle, là, puis Glenn non plus, là. Glenn non plus. C'est pas bon quand Glenn Constantin est pas content. Surtout quand t'as une fiche parfaite depuis. Ben écoute, ça trop peut longtemps. Pas toujours être parfait, là. On peut pas toujours être super content de notre équipe, là. Même si on est premier, on n'a pas encore une défaite. À quelque part, il faut avoir des points. Ah, faut garder les joueurs alertes. Ça c'est sans aucun doute, parce que Patriots de l'Angleterre l'a passé, c'était pas alerte au Super Bowl. Mais non, écoute, petit, j'ai aimé. Je me suis promené un peu autour du terrain. J'ai aimé la chimie de Laval. Mon gars, c'est le fun. Là, tu sais, les gars se parlent sur le bord du sideline. C'est communication numéro un. Le fameux. Doigt dans les airs à chaque corps qui passe, là, c'est beau à voir, là, tu sais. Semaine prochaine, game difficile ou game avec beaucoup d'ambiance, mais on va revenir un petit peu là-dessus tantôt, je me trompe pas. Oui, hein? On va revenir là-dessus. Écoute, tantôt. Il va y avoir de la haine au peps de l'Université Laval, alors que les petits renards de Sherbrooke vont se présenter, à la grosse maison, hein, au peps, pour essayer d'aller chercher une victoire. Ça, j'ai jamais compris pourquoi le logo du Roger Or est un renard. Il y a sûrement une explication très, très, très logique, mais, je la comprends pas, écoute. Puis pour avoir été à l'Université de Sherbrooke, t'as un gros logo d'un renard quand tu rentres au gym, mais c'est écrit en gros vert et or à côté, et non pas les renards rusés ou les renards intenses. Donc les renards vert et or. Il a bu de l'eau d'une rivière d'algues bleues, ça a fait or, donc vert et or. Désolé, excusez-moi pour celle-là. Concordia. Concordia contre Montalesson, écoute. Concordia a vraiment déclassé Mount Allison. C'était même pas beau. Ça a fini 66 à 13. Concordia ont quand même gagné à la maison. Présentement, ils sont au deuxième rang là, de la section Québec. Au troisième, excuse. Mahoney, le corps arrière de Concordia, qui a joué seulement 40 minutes. Ça, c'est même pas trois quarts de jeu. A porté le ballon 9 fois. Pour 60 verges, pas complété 10 de ses 13 passes pour des gains totaux de 248 verges, qui est énorme, là, tu sais. On peut dire que vraiment Mount Allison n'avait pas de défensive sur le terrain. En plus, les Stingers ont établi un nouveau record maison, là, qui est le plus grand nombre de points total comptés pour un seul match. Au total, l'équipe a avancé, donc 23 premiers essais. Donc t'as monté le terrain à plus d'une fois, là. T'sais, si tu comptes que tu pars dans ta zone des buts, ça te prend 10 premiers essais pour faire ton terrain. Si t'avances juste à coup de 10, t'as monté. C'est quand même fois, c'est très terrain, bon, c'est très là, bon. Ben oui. Puis 475 verges de gain, là, tu sais, ça revient à dire ce que je disais, là. Semaine prochaine, les Stingers vont être à Lennoxville. Donc, Stingers-Lennoxville, on s'entend que c'est le match qui va décider quelle équipe fait les séries, c'est là. C'est ça, parce que, écoute, présentement, là, le rang est tellement serré, là, t'as une lutte à genre 2-3 équipes, là, qui se battent avec tout à peu près une fiche pareille, là. Fait que, ça va être une des grosses games là, la fin de semaine prochaine, là, justement. Là, ben, c'est une grosse fin de semaine de football la semaine prochaine. Très, très, très. Écoute, Vert et or, Roger Or, la bataille des arts, Puis Stingers, mon humour est déficient ce matin, mesdames et messieurs. Donc c'est ça, Stingers, ça. Montréal affronte McGill, donc on peut s'attendre à une victoire facile. Mais là encore, une victoire de plus pour Montréal, je pense qu'ils vont en prendre dans leur situation. Là. Surtout que Montréal a une bonne fiche contre les équipes hors Québec, mais les équipes au Québec, c'est un peu plus laborieux. C'est pas là, pour rien qu'ils sont pas hauts comme ça au classement, c'est parce qu'ils ont perdu contre les équipes du Québec. Oui. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Ils ont perdu Concordia et Sherbrooke. Leurs deux défaites qui leur ont fait vraiment mal, puis qui font que Bishop va peut-être rentrer, puis eux non. Par la porte d'en arrière, mais ils vont peut-être rentrer. Sherbrooke contre Acadia, 32-2 Sherbrooke, t'avais-tu des... De ce que j'ai lu sur le match, c'était un peu décevant de la part de Sherbrooke. C'était une partie où est-ce que Sherbrooke aurait dû dominer facilement, mais c'était difficile, il y avait rien qui marchait à l'attaque. Je crois qu'après la première demi, c'était 10-2, 12-2, je me souviens plus exactement. André Bauduc s'est fâché, a fait entrer Charles Saint-Marin dans la partie au lieu de Jean-Philippe Chouari. Donc on change notre carrière numéro 1 pour mettre le remplaçant. Ça va être intéressant de voir. Il y a un message à passer. Puis qui va être dans la mêlée contre Laval? Personnellement, tu veux pas entrer dans un match, le match le plus important de ta saison. Tu fais pas rentrer ton numéro 2. Est-ce qu'il est prêt? Yesh. Parce que Saint-Marin et Chouari sont des joueurs de même année en tant que tel. Ouais, ils sont entrés en même année, mais Chouari a les départs depuis qu'il est arrivé. C'est lui qui a pris le rôle. Donc écoute, pis c'est pas la première partie que Chouari a de la misère. Contre Bishop, la partie qui a perdu 15-10, Chouari avait de la misère aussi. On dirait qu'il y avait au niveau de rejoindre ses receveurs, il y avait des déficiences. On va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est sûr. Écoute, Mathieu, fais-tu partir ton numéro 1 ou ton numéro 2? Ça dépend, c'est qui ton numéro 1? C'est ça la question. Surtout une grosse game de même. Ouais, écoute, on va voir samedi. J'ai hâte de voir. Montréal-Sainte-Marie. Ben, Montréal-Sainte-Marie, grosse victoire de la part de Montréal, malgré plusieurs échappées. Comme je dis, ils ont été battre l'équipe maîtresse de l'Atlantique. Donc, c'est ce qui leur donne une chance encore aux séries. Parfait, ça. Donc, Coach Boyeux? Ben, moi, j'avais vraiment, là, c'était les grosses games qu'on avait. Les grosses games, donc on s'attend à une grosse fin de semaine de football. Exactement. On va parler tantôt. Donc, à surveiller Rouge et Or, Vert et Or, c'est samedi que ça se passe? Ça se passe dimanche. Donc, à Québec, je peux vous dire qu'on les attend à pied ferme. Et c'est sur les ondes de RDS, donc en plus, donc ça va être une très grosse partie. Du très bon football. Prédit peut-être une sale combe à l'avance. Ça va être très bon. Ouais, parce que la publicité est forte là-bas. Écoute, Guillaume, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout un plaisir de t'avoir en studio. On se voit sûrement la semaine prochaine. On va regarder ce qui s'est passé là-dedans. Alors, écoutez, on manque de temps aujourd'hui. Ça roule. On va passer à la partie calendrier. Chez les Pats cette semaine, soccer extérieur. Les femmes et les hommes sont vendredi soir à Laval, donc contre le Rouge et Or, encore une fois, les équipes de Laval sont actives en fin de semaine. Donc, les Patriotes affrontent Laval vendredi 18h et 20h chez les hommes. Ils vont aussi être ici à Trois-Rivières dimanche contre McGill, donc contre les Redmen et les Martlets, qui est le nom féminin des équipes de sport de McGill. À 13h, 15h ici au CAPS, c'est à venir voir pour tous ceux qui ont du temps libre dimanche. Au hockey, les Patriots affrontent Carlton ce vendredi aussi. C'est à Ottawa, donc soit qu'on se déplace ou soit qu'on lit les nouvelles le lendemain. Et samedi soir, ils sont aussi à Ottawa, mais cette fois-ci contre l'Université d'Ottawa en tant que telle. Donc ça aussi, le hockey, grosse fin de semaine de hockey. Et mardi prochain... la partie était supposée être disputée mercredi le 22, mais ça a été changé. Les Stingers de Concordia sont en ville au Colisée de Trois-Rivières. C'est un mardi soir, c'est à 19h. Personnellement, il n'y a aucune raison pourquoi un étudiant de l'UQTR ne se doit pas d'être là. Vous avez un examen le lendemain, je m'en fous. Vous étudierez entre les périodes avec un hot dog entre les mains. C'est pas mon problème. Vous devez être à la partie. T'es pas un gars stressé, toi. Moi, je suis pas un gars stressé. Voyons, je m'en vais étudier dans pas long. Toi, Pierre-Luc, je vais surveiller dans les matchs de la SGMQ. Faut pas oublier les Cataractes. Vendredi soir reçoivent l'Océanique de Rimouski. Donc, ça serait pas mal le gros match à surveiller en fin de semaine dans l'hockey junior. Ben, merci beaucoup, Pierre. Et c'est ce qui conclut notre émission. Écoutez, grosse émission cette semaine. On vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été en onde. Pour Pierre-Luc Boyeux, Pierre-Luc Giroux, Guillaume Boyeux, je suis Nicolas Deschamps. Passez une très belle semaine. À la prochaine. À la prochaine, boys. Ouh là là, moi.